Islam Audio présente une adaptation sonore de Muhammad, l'ultime joyau de la prophétie, Ar-Rahiq al-Makhtoum, par le Cheikh Safiur Rahman al-Mubarak Fouri. Islam Audio rappelle que le piratage est un vol. Toute copie de cette œuvre est interdite. Seul l'acquéreur d'un CD ou de fichier téléchargé est autorisé à faire une copie, mais pour un usage strictement personnel.